Bonsoir, chers auditeurs, auditrices. Merci de choisir la radio Isanganiro pour vous informer. Voici tout de suite les titres de cette édition. Le président du Sénat burundais trouve que les sénateurs auraient dû faire une évaluation de la mesure de stabulation permanente et débattre du résultat avec son initiateur. C'est après le constat de certains que cette mesure est à l'origine de la hausse du prix du lait et de la viande et n'a pas été suivie par des mesures d'accompagnement. Alors que certains habitants des localisés au site d'Omutambala en province Rumonge demandent assistance, se lamentant que les tentes qu'ils ont depuis 2 ans sont usées. Quarantaine, un ménage de la colline Rutumo de cette même province appelle à l'aide après que de fortes pluies aient détruit leur maison ce vendredi. Dans ce journal également, investiture de nouveau au Bashinganahe ce samedi en mairie de Bujumbura. Le président du conseil des Bashinganahe les a encouragés à toujours agir positivement. À la présentation, vous êtes avec Doré Bingabide. Alban Douayo assure la mise en onde. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Bienvenue. Investiture des nouveaux Bashinganahe composée de 9 familles de la zone Kinama en mairie de Bujumbura ce samedi. Le président du conseil des Bashinganahe au niveau national les a appelés à travailler en priorisant la culture d'honnêteté et la consolidation de la paix. Adrien Sibomana a précisé que les Bashinganahe jouent et ont toujours joué un grand rôle dans la résolution des conflits sociaux. Ainsi, il les a invités à travailler avec bravoure. On l'écoute. C'est une culture, c'est une coutume que nous ont légué nos ancêtres et qui consiste à mener la paix sociale là où on vit, qui consiste à intervenir chaque fois qu'il y a quelque chose qui peut contrecarrer la paix sociale. La plus-value, c'est que des gens s'engagent solennellement et publiquement à agir positivement. Il n'y a pas plus grande plus-value que cela parce que vous pourriez me dire, même avant, ils le faisaient. Mais maintenant, ils s'engagent. Vous avez entendu qu'on leur a même conseillé. Attention, redoublez d'efforts dans votre conduite positive, car maintenant, les gens vont braquer les yeux sur vous. Et si vous faites la moindre erreur, elle sera beaucoup plus accentuée puisque vous avez promis officiellement d'être le flambeau qui va éclairer les autres. Le conseil, c'est de perpétuer cette tradition parce qu'aucun peuple ne s'est développé en tournant le dos à cette tradition et à ces valeurs positives. Il faut donc continuer à encourager les autres, les jeunes et les autres ménages à adhérer à cette valeur positive multiséculaire que nous ont légué nos ancêtres. Certains habitants délocalisés au site d'Omutambala en commune province Rumonge suite à la montée des eaux du lac Tanganyika disent qu'ils vivent dans des conditions précaires suite à la pauvreté et au manque de logements décents. Ils demandent aux bienfaiteurs de leur venir en aide. Le conseiller du gouverneur en charge des questions juridiques indique qu'ils ont déjà soumis ces questions à ses supérieurs. Ornella Mucho. Des habitants du village d'Omutambara, délocalisés à cet endroit suite à la montée des eaux du lac Tanganyika, déplorent les conditions précaires dans lesquelles ils vivent. Ils indiquent qu'ils ne résistent plus au froid suite aux tentes usées. La pluie tombe et les eaux pluviales débordent vers ces tentes et ces dernières sont inondées. On ne peut plus résister au froid parce que les tentes dont nous disposons aujourd'hui datent d'il y a 2 ans. Des tentes sont déchirées et par conséquent, les voleurs profitent de cette situation pour entrer et prendre différents objets. Plus le temps passe, plus les tentes s'épuisent. Nous avons un logement qui n'est pas décent et on ne peut plus remplir toutes les obligations familiales. Vous comprendrez ce que je veux dire. Puisque l'endroit est étroit, aujourd'hui, les hommes et les femmes vivent comme des frères et sœurs. Ils indiquent aussi qu'ils n'ont pas d'espace pour cultiver et comme conséquence, ils se retrouvent dans la pauvreté et dans l'incapacité de nourrir leur famille, y compris leurs enfants. Situation confirmée par certains enfants présentant des signes de malnutrition, dont un ballonnement abdominal et changement de couleur de cheveux. Nous faisons face également au défi de manque de nourriture pour nos enfants. Même avec ces petites parcelles qu'on nous a données, on n'a pas de semences pour cultiver. Nous avons faim et on n'a pas de terres cultivables suffisantes. On nous a donné de petits espaces qui ne peuvent pas nourrir nos enfants. Et malheureusement, on nous laisse comme cela alors que nous sommes des déplacés. Le conseiller du gouverneur de la province de Lomongué, Lubin Bizimana, indique que le défi lié au logement décent est déjà connu et que bientôt le problème sera résolu. Nous sommes en train de chercher des bienfaiteurs qui peuvent aider et construire des maisons en dur. Nous savons que les tentes sont parfois inondées lors de la saison pluvieuse. Le ministère de la Solidarité a déjà pris l'initiative de chercher un autre endroit où les délocaliser et j'espère que la solution sera résolue. À propos du manque d'espace cultivable, il est difficile d'en donner à chaque famille. Nous leur avons conseillé de se regrouper en coopérative pour les aider à retrouver cet espace. Malgré cette situation, ils apprécient que l'eau potable est disponible à ce site des déplacés de Mutambara. Dans cette même province, 41 ménages de la colline Rutumo disent vivre dans la détresse après la destruction de leur maison d'habitation suite à d'intenses pluies violentes, mêlées de vents violents qui se sont abattus dans cette localité ce vendredi. Les victimes de ces intempéries et le chef collinaire demandent à toute âme charitable de leur venir en aide. Francine Diokougayo. 30 maisons n'ont plus de toiture et certains des murs de 11 autres se sont écroulés selon les informations obtenues de certaines des victimes de ces intempéries confirmées par Frédéric Sinibakida, chef colonel de Rutumo. Les mêmes sources indiquent que 6 chèvres de l'un de ces ménages ont péri sous les décombres, des cahiers et livres d'élèves endommagés et certains des objets ménagers cassés. Les victimes de ces intempéries qui ne savent plus à quel sens se vouer demandent à toute âme charitable de leur venir en aide, n'offusque que pour avoir où loger en ces moments où les pluies semblent dépasser la normale. Frédéric Sinibakida, chef colonel de Rutumo, dit avoir déjà saisi ses supérieurs sur ces cas. Il s'agit de 232 personnes constituant ces 41 ménages qui sont dans le besoin d'être assistés selon ce chef collinaire. Certains sénateurs trouvent que la stabilisation permanente est à la base de la hausse du prix du lait et de la viande. Ils demandent qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Le ministre de l'Agriculture et l'Élevage explique qu'il y a ces mesures d'accompagnement dans le renforcement de l'élevage des lapins et l'introduction de 3000 nouvelles vaches au Burundi. Le président du Sénat burundais trouve que les sénateurs auraient dû faire une évaluation de la mesure et présenter le rapport au ministre pour en débattre. C'était ce mercredi à Gitega au Sénat, Gérard Nibigira. Un des sénateurs a demandé s'il y aurait une évaluation qui aurait été faite sur la mesure de stabilisation permanente. Du moment qu'actuellement, un litre de lait coûte 4 000 frambous et un kilo de viande coûte environ 30 000 frambous, d'où il dit que plus d'un se demande comment cette mesure aurait été étudiée. Il ajoute qu'il aurait été mis en place des mesures d'accompagnement par lesquelles l'État devrait introduire beaucoup d'animaux de production de viande et du lait pour que la population ait des facilités dans l'application de la mesure de stabilisation permanente. Le ministre de l'Environnement, Agriculture et Élevage, Prosper Dodico, dit que les études ont été menées et qu'il y a même un tableau de réalisation faite et des actions à réaliser. Il parle notamment de l'introduction des espèces améliorées de la paix avec la construction d'un centre pilote régional à Carroussi qui accueillera les lapins provenant de la France. Il y a aussi un centre construit à Ruyigi qui recevra les lapins nés à Carroussi. aussi et des centres d'élevage de lapins existent à Gatumba et à Gitega. Il souligne également que 3000 vaches sont attendues au pays, sans oublier de nouvelles races de volailles, de moutons et de porcs déjà introduits au pays. Ainsi donc, il conclut qu'il y a beaucoup de choses déjà faites dans le cadre de l'application de la mesure de la stabulation permanente, même si beaucoup reste à faire. De son côté, le président du Sénat, Emmanuel Sinzo Hagera, précise que le Parlement a le rôle d'évaluer les politiques du gouvernement et que donc les sénateurs auraient d'abord fait des descentes sur terrain pour ensuite dresser un rapport à présenter au ministre pour en débattre. Cela parce que l'initiateur d'une politique ne peut pas s'évaluer lui-même. Vous saurez pourtant que même les bouchers disent que la stabilisation permanente est l'une des causes de la réduction du nombre de bétail au Burundi. Depuis Gitega, Jeanne Bigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard. Et c'est sur cet élément que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous qui nous avez prêté oreille. À la présentation, vous étiez avec Doré Bingabile, Albin Douayo assuré la mise en onde. Je vous laisse avec Jean Bosco Nduimana. Il a lu la presse pour nous. Bonne soirée. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir. Comesa, à la découverte des pistes de solutions pour tirer profit du secteur minier, rapporte Burundi Echo. Selon Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur en République démocratique du Congo, qui s'exprimait en marge du 17e Forum économique du Comesa, c'est une réalité que les pays membres de cette organisation occupent un rang non négligeable dans la production des minerais. Il leur demande de mettre en œuvre le modèle des pays producteurs de pétrole. Dès qu'ils ont constaté qu'ils n'en tiraient pas profit, explique-t-il dans les colonnes de ce journal, ils ont décidé de se regrouper au sein de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole, OPEP, pour inverser la tendance. Si les pays membres du COMESA réfléchissent dans ce sens, ils espèrent que cela dégagera un effet qui leur permettra d'intervenir dans la fixation des prix de leurs minerais. De surcroît, suggère-t-il, les pays membres du COMESA devraient créer des bourses. Ils se demandent pourquoi l'Afrique dépend toujours des bourses de Londres, de New York, de Toronto ou de Shanghai. Ce sont toujours ces derniers qui fixent les prix des minerais qui proviennent de l'Afrique. S'étonne cet interlocuteur de cet hebdomadaire socio-économique, Burundi Echo. Rumonge sans cimetière ni dépotoir, révèle l'agence Netpress. En effet, la commune de Rumonge ne dispose pas de cimetière ni de dépotoir, ce qui complique la vie de la population de la ville de Rumonge, qui craint d'attraper les maladies liées au manque d'hygiène. L'actuel cimetière de la ville de Rumonge est déjà saturé. Lors des questions orales adressées mercredi à Gitega au ministre ayant l'environnement dans ses attributions, un sénateur a demandé pourquoi ce ministère a refusé d'homologuer le site qui avait été choisi pour abriter un cimetière pour la ville de Rumonge. Le ministre Prosper Dodiko a répondu que ce site se trouve près d'une réserve naturelle. Mais d'aucuns se demandent pourquoi refuser un autre site pour la commune de Rumonge avec de tels arguments au moment où celui de Manda pour la ville de Bujumbura est implanté en pleine réserve de la Rukoko, une forme de politique de deux poids deux mesures en somme, lance ce quotidien en ligne. Revue de la presse. Rénovation du stade Inhuari, pourquoi les travaux s'éternisent-ils? Se demande un blogueur du collectif Yaga. Lors d'une séance des questions orales au Sénat le 15 octobre 2024, le ministre des Sports a annoncé que la rénovation du stade Inhuari en est à 95% et qu'à partir de 2025, le Burundi ne devra plus louer des stades à l'étranger pour les matchs internationaux. Néanmoins, fait remarquer son confrère, ce n'est pas la première fois qu'une autorité lance une promesse dans ce sens. À un moment, il a été annoncé que la réhabilitation devait s'achever en mai 2023, rappelle ce blogueur qui espère que cette fois sera la bonne, que les joueurs et les amateurs du ballon rond convergeront au stade Inouari tout neuf pour s'adonner à leur passion. On termine cette revue de presse par cette révélation du journal Iwachu sur une chasse aux chats dans la capitale économique. En effet, écrit ce journal, dans certains quartiers de la capitale économique Bujumbura, des enfants sillonnent les rues avec des chiens de chasse improvisés. D'autres ont même confectionné des pièges à chats, rapporte ce confrère. Plus d'un se pose alors la question de savoir si les chats sont devenus comestibles. Les enfants chasseurs de chats, eux, disent qu'ils vendent les bêtes qu'ils attrapent dans la zone urbaine de Kamenge, mais ils refusent de donner plus de détails. Pendant que ces jeunes vendent à moins cher, un chasseur de chats qui utilise un piège à chat témoigne qu'il vend un chat à plus de 15 000 francs burundais, précisant qu'il n'a pas à se déplacer puisque c'est l'acheteur qui vient vers lui. Tout ce qu'il sait, c'est que l'acheteur vient du quartier Kinama. Un habitant de la zone urbaine d'Ubwiza qui a requis l'anonymat avoue à l'hebdomadaire Iwachu que les chats sont maintenant sur le menu de la viande que les gens ont commencé à consommer dans la capitale économique sans le savoir. Et c'est par là que nous refermons cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Ndowimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.